Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons nos études sur l'Évangile de Matthieu. Et ce matin, on tourne encore une fois la page et on s'en va vers Matthieu 15. Notre Père du ciel, pendant que nous lisons cet Évangile qui nous parle du temps que ton Fils a passé sur la terre, nous comprenons mieux la raison d'être de sa venue. On comprend mieux qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé ainsi. Oh Seigneur, ouvre nos yeux, avant de regarder qu'est-ce que ça nous apporte, la venue de Jésus. Aide-nous à toujours regarder à qu'est-ce que ça t'apporte à toi. Qu'est-ce que ça fait pour ta gloire? Aide-nous à saisir toujours un peu plus le contexte géographique, culturel, social, géographique. Le contexte de ce que nous lisons. Aide-nous à saisir qu'est-ce que tu voulais dire par Matthieu aux Juifs de son temps. Et donne-nous la grâce de l'appliquer pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons prendre le temps de lire chapitre 15. Ça va être un 20 versets, chapitre 15, verset 1 jusqu'à 20. Mais ça va aller à demain avec qu'on complète le restant. Pourquoi est-ce que Matthieu a écrit cela? C'est toujours la question que je me pose, que je vous encourage à vous poser. Pourquoi est-ce que l'auteur a écrit cela? Là. Avant de faire une application morale à notre vie chrétienne en lisant un texte semblable, essayons de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire pour démontrer que Jésus était le Messie, qui était le Fils de Dieu, qui était le roi d'Israël. Lisons ensemble. Alors les pharisiens et des scribes vinrent à Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite! Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant payé la foule, il lui dit: écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: Seigneur, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre prend la parole, lui dit: explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit: vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et est rejeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Donc, pourquoi est-ce que Matthieu parle de cela? je crois qu'elle commence tranquillement à expliquer pourquoi Jésus va tranquillement s'en aller et s'éloigner du peuple d'Israël pour finalement dire au chapitre 28, allez par toutes les nations de la terre et faites des disciples. Wow, wow, wow! Le Messie est venu pour les Juifs! Pourquoi tu les envoies, tu envoies tes disciples par toute la terre? On n'aurait pas besoin d'aller si loin que ça. Demain, on va voir Jésus aller dans Tyr et dans Sidon et donner à une femme qui n'est pas juive quelque chose qu'elle aurait bien aimé vouloir donner aux Juifs. On va voir la différence demain. Mais ici, ce matin, il va démontrer, il va donner la raison. Pourquoi, après tant de miracles, miracle du chapitre 14 qu'on a vu, cette multitude de miracles qu'il peut faire, pourquoi est-ce que le peuple n'a pas cru? Pourquoi l'ont-ils rejeté, leur Messie? Et là, il leur parle de ceci. Donc, pendant que Jésus, lui, nourrit des foules par dizaines de milliers avec quelques miettes, hein, pendant qu'il marche sur l'eau et pendant qu'il guérit des milliers de personnes, les Juifs se tracassent eux autres. Pourquoi est-ce que tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger? Et ainsi, ils vont contre la tradition que les anciens ont mis en place. Et Jésus réagit. Il dit, vous autres, le peuple d'Israël, vous autres, les leaders spirituels, pourquoi est-ce que vous avez changé la parole de Dieu pour des choses d'autres? Et là, il leur donne un exemple. La parole de Dieu dit que tu dois honorer ton père et ta mère. Là, ici, c'est pas juste dire, t'es gentil papa, t'es gentil maman. Je crois que le contexte ici nous oblige à dire, prendre soin de nos parents, matériellement, physiquement. Mais vous autres, vous avez changé la loi de Dieu, vous avez annulé la loi de Dieu en disant, ben, si tu donnes ton argent à Dieu comme offrande, tu n'es plus tenu de prendre soin de tes parents. Et Jésus dit, comment ça que vous avez annulé, verset 6, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition? Le peuple d'Israël, au point où Jésus est venu, était comme là, 700 ans avant, quand Isaïe était là. Il dit, vous changez la parole de Dieu, vous annulez la parole de Dieu, vous mettez des traditions, des enseignements d'hommes, au verset 9, et vous donnez plus d'importance à vos traditions, plus d'importance à vos enseignements d'hommes qu'à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il leur dit, hypocrite. Vous dites que vous adorez Dieu, vous dites que vous servez Dieu, vous dites que vous aimez Dieu. Quand vous annulez la parole de Dieu pour faire place à vos traditions, à vos enseignements humains. Et il dit au verset 9, c'est vain. C'est vain. Ça vaut zéro. Et là, il dit, ainsi Isaïe avait bien prophétisé sur ce peuple. Ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. Hypocrite. Hypocrite, c'est quelque chose que ce qu'il dit et ce qu'il vit dans son cœur, c'est deux choses. C'est un hypocrite. Vous dites aimer Dieu et servir Dieu, mais pourtant, vous avez annulé la parole de Dieu et vous avez installé des traditions et vous avez installé des enseignements d'hommes. Jésus n'est pas contre certaines traditions, comme on a l'habitude de faire telle chose en famille. Il n'est pas contre les traditions. Il est contre les traditions qui annulent la parole de Dieu, qui changent la parole de Dieu. Il est contre des enseignements humains qui vont contre l'enseignement de Dieu. Il n'est pas contre tout enseignement. Si j'enseigne à mes enfants 2 plus 2, ça fait 4, je ne suis pas en train d'aller contre la parole de Dieu, mais si j'enseigne des choses au monde autour de moi qui va contre l'enseignement de Dieu, Et en même temps, je dis que j'aime Dieu et que je sers Dieu, mais je suis un hypocrite. Le peuple de Dieu, qui était là quand Jésus est venu, ne voulait pas d'un royaume des cieux, ne voulait pas d'un roi. Il voulait continuer à contrôler leur vie, à diriger leur propre vie, à annuler la parole de Dieu, à faire ce qu'ils voulaient, à établir leur propre religion, leurs propres règles. Et là, il leur dit, vous comprenez pas. C'est pas ce que, là, il revient à leur question. Pourquoi vous ne lavez pas les mains? Qui était une tradition, qui était un enseignement d'homme. Il dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille. C'est ce qui en sort. C'est ce qui en sort. Ces traditions-là qu'ils avaient établies, ces enseignements-là, démontraient que leur cœur était mauvais. C'est ce qui sort. C'est pas ce qui rentre. Il y a rien qui peut rentrer dans l'homme. Il y a rien. Moi, je peux ajouter, il y a rien qui rentre dans l'homme par la bouche, par le nez, par les yeux, par les oreilles, par les veines. Il y a rien qui rentre dans l'homme qui peut le souiller. Rien. Absolument rien. Jésus dit, c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. C'est le sort. C'est ce qui sort de l'homme. Donc, si, comme il dit au verset 19, les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies, on pourrait continuer. C'est ça qui souille l'homme. Donc, si ça, ça sort de mon cœur, ça démontre que mon cœur est souillé. Si je fais des mentries, si je fais des convoitises, si je mens, si je commets l'adultère en pensée ou en action, si je vole, si je triche, si je fais n'importe quoi. Ça fait juste démontrer ce qu'il y a dans mon cœur. De l'abondance du cœur par la bouche. Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort. Et là, au verset 12, c'est marqué, il dit, sais-tu déjà scandalisé en disant ça? Ben oui, Jésus le savait. Et là, Jésus donne une réponse qui est intéressante. Il répondit au verset 13, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Il ne sait pas à cause qu'ils sont dans le peuple de Dieu qu'ils font partie du peuple de Dieu. C'est pas à cause que vous êtes juif que vous faites partie du peuple de Dieu. Il dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Tous ces juifs hypocrites qui honorent Dieu des lèvres et non pas avec leur cœur vont être déracinés et jetés. Ils ne feront jamais partie du royaume des cieux. Et si je l'inverse, je crois que la vérité va être encore vraie, mais toute plante que mon Père a plantée ne sera jamais déracinée. Ils vont faire partie du royaume des cieux. Les Juifs s'appuyaient sur le fait qu'ils étaient Juifs. Puis mettait beaucoup d'importance sur leur religion. Jésus vient et dit non, non à ça. Pourquoi ont-ils rejeté leur Messie? Malgré tous les miracles qu'il a fait, et que finalement, ils vont se tourner vers les nations. Oh, dans ces nations-là, ils vont être compris certains juifs, bien entendu. C'est parce que ce peuple-là avait un cœur hypocrite, avait un être intérieur détruit, pourri. C'était des aveugles, spirituellement aveugles, qui conduisaient d'autres aveugles et qui tombent tous dans la fosse et qui sont tous détruits finalement. Ne laissez pas les gens, frères et sœurs, utiliser ce passage-là ici pour vous dire que vous avez le droit de manger certaines choses, puis vous n'avez pas le droit de manger d'autres choses. Puis... Non, non. Le texte ici, Jésus dit aux apôtres, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille. Ça, c'est le principe général. Ce n'est pas ce qui rentre qui le souille. Ce qui souille l'homme, c'est son cœur. Et le cœur du peuple d'Israël est souillé. Et leur tradition qui annule la parole de Dieu et leurs 20 commandements d'hommes manifestent leur cœur. Et Dieu ne pourra pas les sauver. Dieu ne pourra pas les ajouter à son royaume. Ils ne vont jamais faire partie du royaume des cieux. Mais ceux qui acceptent Jésus, ceux qui acceptent Jésus. Écoutez bien, ça ne veut pas dire que nous, on n'était pas comme eux. Oui, on était comme eux. Mais le texte n'est pas là pour nous dire comment nous, on a pu rentrer dans le royaume des cieux. Le seul petit indice qu'on aurait, c'est que si on est dedans le royaume des cieux, c'est parce que le Père nous a plantés dans le royaume des cieux. C'est à cause du Père qui nous a plantés dans le royaume des cieux qu'on en fait partie. C'est pas parce qu'on n'était pas comme eux, nous autres aussi hypocrites. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous voyons par ce texte le cœur humain. Nous voyons notre cœur à nous aussi. Parce que il y a une partie de notre cœur, c'est ce qu'on appelle la chair, qui n'a pas été renouvelée. C'est pour ça qu'il y a en nous encore du mensonge, de l'hypocrisie, des calomnies, des envies, des jalousies. Mais nous savons que nous faisons partie du royaume des cieux, parce que le Père nous a plantés dedans. Nous savons que nous faisons partie parce que nous avons accepté le Fils comme étant le Messie promis. Garde-nous attachés à toi, Seigneur. Garde-nous attachés à toi, jour après jour. Au nom de Jésus, Amen.